d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est la sœur de la marine et de toute un petit chéri. On accoste vite un verre pour nous peser le corps à vin. Elle est joie et les poudries, il est fâché, il est bon retour. Il y a tout en raccourci, des grandes amours dans nos petits. On arrive et on s'est pesé sur les nanas et les nénés, dans les cheveux à plein écho, fondus comme des autruches.